Le casque d'or par la comtesse d'Ache. Te voilà donc arrivé à un âge où tu peux lire et comprendre les contes de ta vieille tante, ma chère Mathilde, toi que j'ai portée dans mes bras, toi la fille de mon frère chéri, toi que j'ai présentée au baptême. Hélas, il me semble que c'était hier. Pour toi, le temps arrive. Pour moi, il s'enfuit déjà. Tu presses sa course de tes vœux, moi je retiens son vol. Tu espères et moi je regrette. Oh, c'est une cruelle chose que d'assister ainsi à la ruine de soi-même. Mais il y a une grande consolation à voir grandir auprès de soi les enfants qui doivent nous remplacer. Dieu et la nature le veulent ainsi. Toutes nos destinées se ressemblent. Nous passons du sourire aux larmes, des larmes à l'oubli. Il n'y a qu'une seule chose qui survive à tout, la religion et la bonté. Prie, mon enfant, et si tu souffres, tu seras consolé. Sois bonne et tu seras aimée. La prière et l'affection sont toute la vie d'une femme. Priez le ciel, aimez ceux qui nous entourent, n'est-ce pas là une noble vocation? Et le cœur ne se sent-il pas orgueilleux de la remplir? Tu n'as jamais entendu parler peut-être d'un beau pays qu'on appelle l'Alsace. C'est une province de notre France, conquise par les armes de Louis XIV et la valeur du grand Turenne. Je vais te dire un épisode de ces longues guerres, si glorieuses mais si cruelles pour ce siècle de héros. L'Alsace est un admirable jardin. Les montagnes dont cette vaste plaine est entourée, la brillante ceinture que lui forme le Rhin, ce noble fleuve, coulant libre entre deux royaumes, font de cette immense vallée un des lieux les plus ravissants de la terre. Autrefois, l'Alsace fut indépendante. Puis, elle servit de champ de bataille aux Français et aux impériaux qui se la disputaient. Enfin, elle nous demeura en partage, ainsi que je viens de te l'apprendre tout à l'heure. Chapitre 1er. Par une belle nuit du mois de décembre 1674, deux cavaliers cheminaient lentement et avec précaution dans une des vastes forêts des Vosges. Celui qui marchait devant, âgé d'environ 20 à 25 ans, semblait servir de guide à l'autre. Il était impossible de rien entrevoir de son costume sous le grand manteau dont il se couvrait. Son chapeau rabattu sur son visage ne laissait apercevoir que deux yeux bruns, brillants comme des éclairs, et une petite moustache blonde, fièrement retroussée en double crochet. Son compagnon, âgé d'environ 50 ans, se cachait avec plus de soin encore. D'épais sourcils grisonnants, une moustache presque blanche, un gros nez aquilin, donnaient à sa physionomie une expression vulgaire et repoussante. Il était du reste inutile de chercher à connaître le parti auquel appartenaient les deux étrangers. Leur feutre ne portait ni plume ni cocarde. On les eût pris pour des commerçants plutôt que pour de nobles guerriers. Arrivons-nous bientôt, monsieur ? Dit à voix basse le plus âgé des voyageurs. Nous sommes à peine à moitié chemin de la montagne. Ce diable de Florimond est fort élevé, et pour nous trouver au château de Falsberg, il faut que nous parvenions à sa cime. Ils continuèrent leur route pendant un quart d'heure. Tout à coup, un cri éloigné retentit dans le silence de la nuit. Plusieurs autres lui répondirent isolément. Les échos les répétèrent jusque dans la profondeur des vallées, et on n'entendit plus rien. « Il paraît que les bourgeois de Turckheim ne dorment pas, monsieur, ni les impériaux non plus, car voilà le garde-à-vous des sentinelles qui réveillent ces vieilles forêts. » À ces mots, le jeune homme se retourna. Son œil perçant examina son compagnon avec défiance. « Pour un marchand, vous êtes bien au fait des usages militaires, monsieur, que vous ayez reconnu sur le champ la voix de nos factionnaires. Au milieu de la nuit, leurs avertissements ont quelque chose de sauvage qui effraie presque toujours ceux qui n'ont pas l'habitude de la guerre. » Et vous ne vous êtes pas mépris une minute sur leur cause. » L'inconnu sourit. « Je suis un vieux soldat, capitaine. Je n'ai pas toujours vendu des peaux de martre, et j'ai fait plus de campagnes que je n'ai d'écus aujourd'hui. Pas une des escarmouches de la fronde ne s'est passée sans moi, je vous assure. C'était le beau temps alors, nous étions jeunes. » « Et sous les ordres de qui combattiez-vous, monsieur? Apparteniez-vous à monsieur le prince ou à monsieur de Turenne ?» Dans cette guerre de Myrmidon, je ne connais que ces deux-là qui vaillent la peine d'être cités. Je faisais partie de l'armée de monsieur le prince. J'étais à Rocroi. Tant pis. Comment tant pis? Oui. J'aurais préféré avoir pour compagnon de voyage un soldat de monsieur de Turenne. Car voyez-vous, monsieur de Turenne est mon héros, tout allemand que je suis, et je m'estimerais heureux de rencontrer quelqu'un qui le connut. Vous le verrez bientôt, si ce qu'on dit est vrai. Ses troupes ne sont pas loin d'ici. Il a le projet de vous livrer bataille. Ceci me semble difficile, monsieur. Notre armée est 3 fois plus nombreuse que la sienne. La chaîne des Vosges nous sépare. Nous avons nos places fortes à garder. Nous n'irons certainement pas au-devant de lui. Mais s'il vient à votre rencontre ? » Ce fut au tour du jeune homme de sourire. « On voit bien, monsieur, que vous ne connaissez pas le pays. Il est impossible à une armée de franchir ces barrières sans de bons guides, » dit-il en montrant du doigt les immenses forêts dont ils étaient environnés. « Et nul Alsacien ne servira de conducteur aux ennemis de sa patrie. » L'étranger ne répondit rien. À mesure qu'il cheminait vers la partie supérieure de la montagne, le sentier devenait plus étroit et les difficultés augmentaient. « Nous sommes ici bien près d'un lieu très redouté, monsieur. » S'il faisait jour, vous apercevriez à notre droite la caverne du dragon, où la plus fameuse sorcière de tout le littoral a établi son antre. Peu de montagnards oseraient approcher à cette heure de l'habitation de Thécla. Heureusement, les marchands et les soldats ont peu d'imagination, n'est-il pas vrai? Sans doute, sans doute. Mais quelle est cette sorcière dont vous me parlez? Une pauvre vieille folle, qui a perdu son unique enfant, et qui depuis lors déraisonne au profit du public. Elle a fait sur ma famille une prédiction qui empêche ma pauvre petite sœur de dormir et qui rendait quelquefois mon père bien soucieux, malgré tout son courage. Et quelle est cette prédiction? Il y a dans notre château une relique, un casque d'or, reste fabuleux de la grandeur des Ribeaupierre. Il a été rapporté de la Palestine par je ne sais lequel de mes aïeux, qu'il avait reçu en présent d'un chef mort dont il refusa la rançon. Ce casque n'a jamais pu coiffer une tête humaine. Une ancienne légende annonce que lorsque le casque aura paré la tête d'un étranger, auquel il ira comme une parure, la maison de Ribeaupierre sera dans le deuil. L'aîné mourra, le plus jeune quittera l'Alsace et jamais ce nom ne sera plus porté dans notre pays. Or, à l'époque de ma naissance, Thécla a annoncé à ma mère que ce siècle verrait la prophétie se réaliser. C'est une grande maison que la vôtre, monsieur. La plus noble et la plus puissante de toute l'Alsace. Où il y en a tant de nobles et de puissantes. Ce château est le château de vos pères? Non, monsieur, notre berceau paternel est plus loin sur la route de France. Pourquoi ne l'habitez-vous plus? C'est encore une légende. Dites-la-moi, je vous en prie. Très volontiers. Aussi bien personne ne l'ignore depuis Colmar jusqu'à Strasbourg. Si vous avanciez de quelques lieues sur la route de France, comme je viens de vous le dire, vous trouveriez une petite ville au pied des montagnes, entourée de murs et de fossés, fermé par des portes, comme le moindre de nos bourgs dans ce pays guerrier. C'est Ribeauvillé, le domaine de notre maison. Au-dessus de la ville, dans la position la plus étrange, sont les 3 châteaux du même nom, bâtis sur 3 pointes de rocher. L'une d'elles est devenue inaccessible. Les 2 autres ruines, la plus grande surtout, annoncent l'importance de ces manoirs. Il y a bien des siècles qu'ils furent construits par 3 frères, qui ne voulant pas se séparer, et ne pouvant rester tous dans le même castel, à cause de leur suite nombreuse et de leur grande richesse, convinrent d'élever chacun une habitation à leurs frais. L'aîné choisit la plus haute. Le cadet s'empara de cette pointe presque inabordable. Le plus jeune se plaça au milieu. Une affection sans bornes unissait particulièrement ces derniers l'un à l'autre. Ils se quittaient à peine. Leurs plaisirs et leurs chagrins étaient communs. Rien de plus touchant que cette union fraternelle. Pour ne pas s'envoyer sans cesse des messagers, et pour éviter à leurs serviteurs l'ennui de gravir ces rochers à pic, ils convinrent, lorsqu'ils voudraient aller à la chasse, de s'avertir l'un l'autre en tirant une flèche par une fenêtre. Chaque jour, presque, ils répétaient ce signal qui les réjouissait également, car, je vous le répète, ils s'aimaient d'une tendresse bien rare. Un matin, l'idée de se prévenir leur vint en même temps. Ils s'avancèrent vers la fenêtre, tout joyeux d'arriver le premier, tant il était de bonne heure. Au moment où le plus jeune ouvrait le châssis de plomb pour bander son arc, son frère, qui l'avait deviné, lança son trait. Dirigé trop juste, il atteignit le pauvre jeune homme au cœur et le tua. Je vous laisse à penser quelle fut la douleur du meurtrier. Il légua tout ce qu'il avait à son frère aîné et partit pour la Terre Sainte. On n'en a jamais entendu parler. Le seul des 3 frères si unis qui survécut, Ulrich de Ribeaupierre, ne voulut jamais qu'on ouvrît les manoirs inférieurs. Il ordonna qu'il tombasse en ruine, en mémoire et en expiation du crime involontaire qui avait été commis. Depuis ce moment, les paysans des environs assurent que vers l'aurore, dans la saison des chasses, une ombre se montre sur les murailles détruites, et que vers 4 heures du matin, on entend le sifflement d'une flèche, auquel répond un cri déchirant. Ils en sont convaincus, et rien ne les empêcherait de faire un signe de croix et de murmurer une prière, lorsque le moindre bruit venant de la montagne frappe leurs oreilles. Ma sœur est aussi superstitieuse qu'eux, et depuis le commencement de la guerre, elle ne cesse de pleurer. Mais cette sorcière, jeune homme, ne peut-on la voir ? Ma foi, si le cœur vous en dit, et que vous ne soyez pas trop fatigué, nous lui rendons visite à l'instant même, car j'aperçois sa lumière briller à travers les sapins. Elle n'est pas couchée. Entrons donc, bien volontiers. Les voyageurs tournèrent alors la tête de leurs chevaux vers la caverne. En approchant, ils s'aperçurent que la lueur provenait d'un grand feu, devant lequel plusieurs hommes étaient assis. Wilfrid de Ribeaupierre parla au plus apparent d'entre eux. « Thécla est-elle chez elle, mes amis ?»« Oui, monsieur le comte, » répondirent-ils en le reconnaissant. « Mais elle a fermé sa porte et nous a mis dehors. Elle est en présence de l'esprit. »« Elle me recevra, moi. »« Je l'espère du moins, monsieur. » Car en ma qualité de Ribeaupierre, je suis grand maître de tous les sorciers d'Alsace. Nous voilà au milieu des vassaux de Falsberg, nous n'avons plus rien à craindre. » Ils approchèrent alors d'une sorte de masure en bois de sapin, construite au milieu de la caverne, et dont les murs tombaient en ruine. Le comte de Ribeaupierre frappa trois coups sur une fenêtre à vitre de plomb. Après une minute d'intervalle, la porte s'ouvrit, et une grande femme, revêtue d'un costume semi-masculin, les cheveux épars et un poignard à la ceinture, parut sur le seuil. « Que voulez-vous, dit-elle, qui vient me déranger dans ce jour de méditation et de prière? Je suis avec l'esprit, et aucun profane ne peut interrompre ma veillée. Acceptez-moi, Thécla, moi, qui dois entrer le jour et la nuit dans cette cabane, quels que soient les autres qu'elle renferme, moi, Wilfrid, comte de Ribeaupierre. » La devineresse s'inclina profondément. « Entrez, monseigneur, vous l'avez dit, cette demeure est la vôtre. L'esprit et la servante sont vos esclaves. Entrez et ordonnez. Que désirez-vous ? » ?»« Mon compagnon de voyage veut vous consulter, Thécla, et je lui ai promis ma protection. Est-ce l'heure ? Pouvez-vous maintenant lire dans sa destinée ?» Thécla détacha du mur la torche de résine qui éclairait seule cette chaumière, et s'approchant de l'inconnu, elle l'examina lentement, en promenant sa lumière sur tous les traits de son visage. Il avait ôté son chapeau. À mesure que cette inquisition continuait, sa main devenait tremblante, ses traits se bouleversaient. Elle reporta la torche où elle l'avait prise, ferma la porte au verrou, se promena dans la chambre et sembla oublier complètement la présence de ses hôtes jusqu'à ce que le comte la rappela. « Vous demandez votre sort, jeune homme, mais votre sort, vous le savez. Le jour approche où la maison de Ribeaupierre abandonnera ses manoirs et ses vassaux. En punition du fratricide commis dans votre race, votre race a été maudite. Vous ne l'ignorez pas plus que moi. Le vengeur approche, le casque d'or couvre la tête d'un mort. Une noble fille pleurera, et l'Europe pleurera ensuite le vengeur. Vous mourrez tous les deux de la mort du soldat, et toi, marchand, qui viens ici pour ton commerce, ta fosse se creuse déjà de l'autre côté du fleuve. Pourquoi le lion sait-il faire renard? Pourquoi le noble cœur s'enveloppe-t-il de trahison? Je ne te vois qu'à travers un nuage. Je ne puis dire ton nom. Je ne puis savoir au juste ce que tu es, mais je te crains. Étranger, la mort te suit. Vous êtes bien sombre ce soir, Thécla. Et si c'est là tout ce que vous avez à nous dire, nous vous quittons. Nous sommes fatigués de cette longue journée. Il faut que nous arrivions au château avant minuit. Thécla se mit en travers de la porte. Vous emmenez cet homme au château, noble comte? Oui, sans doute. Imprudent. Vous ne savez donc pas ce qu'est cet homme? Un marchand de fourrure, recommandé par mon oncle, le chanoine du très haut chapitre de Strasbourg. Elle frissonna des pieds à la tête. Cet homme, c'est l'ange exterminateur. Le comte sourit dédaigneusement. Je vous demande pardon, monsieur, pour cette folle. Nous avons eu une singulière fantaisie de nous détourner pour venir dans cet antre. Remettons-nous en route. Ma sœur nous attend à souper sans doute, et la pauvre enfant croira peut-être déjà que je suis perdu. Un instant encore, comte, écoute-moi. Je suis ta servante et ton esclave, mais je t'ai vu naître, mais je t'aime, car tu as été bon pour celui qui n'y a plus, car tu m'as donné du pain quand j'en ai manqué. Cet homme que tu vois devant toi, ne le conduis pas au château de tes pères, ne le montre pas à l'orpheline, ne le laisse pas prier à ta chapelle, ne le fais pas asseoir à ta table, ne lui donne pas ta main, car c'est ton ennemi, c'est le fléau de ta maison, c'est l'envoyé du ciel, c'est le vengeur. Ne le touche point, car la mort est proche et il est sacré. Mais laisse-le errer dans cette forêt. Laisse-le quitter ces montagnes si tu tiens à la vie. Et après, enorgueille-toi d'avoir marché côte à côte avec un pareil homme, car il vit au-delà des âges. Voilà ce que j'avais à te dire. Maintenant, Fais ce que tu jugeras convenable. Tu peux sortir. » Le comte resta interdit à ce discours. Malgré lui, ses regards se fixaient sur les traits de l'inconnu. Il parcourait des yeux cette physionomie commune et douce, si éloignée de ressembler à un vengeur. L'étranger ne sourcilla pas. « C'est bien un marchand, » murmura Wilfrid. « Il ne croit pas aux sorciers. » « Vous me faites beaucoup d'honneur par vos prédictions, ma bonne femme. Je ne suis ni un ange ni un exterminateur. Je m'occupe de mon commerce. Et je viens à la suite du noble comte parce que j'ai affaire à Nancy et que, sur la recommandation de son oncle, il m'a promis de me faire traverser les Vosges sans être inquiété par les armées. Je ne vois pas que cela vaille la peine de vous tourmenter ainsi et de me prêter des intentions de conquérant. » Thécla sortira de devant la porte et, secouant la tête, elle ajouta d'un air de douce tristesse. « Il faut que les destinées s'accomplissent. Allez donc tous les deux vers la vôtre. Que le ciel vous pardonne et prenne pitié de l'orpheline. » Ils sortirent après avoir jeté chacun une pièce de monnaie sur la table de la sorcière. Elle les suivit de l'œil, les bras levés vers le ciel. Quand elle ne les aperçut plus, elle se retourna vers les vassaux de Falsberg qui entouraient le feu. « Enfant, s'écria-t-elle, il est inutile que vous veilliez. Couvrez-vous de cendres. Chantez vos hymnes de mort. Le jour est proche où la domination de l'étranger pèsera sur votre tête, où il ne restera plus pierre sur pierre du noble manoir que vous défendez. Rien n'empêchera cette destruction, car le sage l'a annoncé depuis longtemps. Et les enfants doivent expier les fautes des pères jusqu'à la dernière génération. »